Lettre huitième de Gibraltar, octobre 1817. Il y a des choses si extraordinaires, mon ami, qu'on doit les décrire immédiatement après les avoir observées. L'œil étonné peut à peine embrasser la multiplicité d'objets qui s'offrent à lui. L'imagination se lasse d'en être frappée sans les concevoir. Comment la mémoire pourrait-elle se les rappeler et les classer avec ordre? Telle a été ma première pensée après avoir visité les fortifications de Gibraltar. En les parcourant, j'admirais et je frémissais à la fois. Depuis plusieurs jours, notre bâtiment, poussé par les courants, perdait le peu de chemin qu'un vent léger mais favorable nous faisait parcourir. Et fatigué de l'aspect effrayant d'un rocher taillé à pic, je pressais de mes vœux le moment qui devait nous en éloigner. Un roc, des tentes, quelques maisons et des Anglais. Je ne trouvais rien là que de très insignifiant. Tu vas voir si j'avais raison. Après avoir fatigué l'équipage pendant 3 jours, notre commandant, qui par des manœuvres multipliées était parvenu à vaincre la violence des courants qui se font toujours sentir dans le détroit, a été contraint de céder au vent contraire et de relâcher dans une rade où, depuis 24 ans, nous dirent les Anglais, on n'avait pas vu de bâtiment de guerre de notre nation. Comme si nous ne nous rappelions pas avec orgueil qu'en l'an 9, à une demi-lieue de là, en face d'Algésiras, l'amiral Linois, attaqué par des forces infiniment supérieures, s'empara de 2 vaisseaux anglais dans un combat où il se couvrit de gloire. On se plaît à reposer sa mémoire sur de semblables événements, mais hélas, Trafalgar n'est pas loin, et l'on ne distingue guère un laurier que couvre tant de cyprès funèbres. Enchanté de l'arrivée d'un bâtiment de la nation qu'il représente, le consul français s'est empressé de nous offrir ses services, et avec une grande affabilité, il nous a proposé de nous présenter au gouverneur. Nous avons accepté ses offres obligeantes et l'état-major a été admis chez Milord Donne. Nulle étiquette chez sa flegmatique excellence. Le front haut et d'un ton protecteur, elle nous a reçus dans un grand salon orné de 10 chaises d'osier, d'un canapé d'indienne antique et d'un tapis de toute beauté selon l'usage de son pays. Elle nous a demandé le motivement de notre visite. Notre capitaine a présenté ses titres et un léger sourire, le premier peut-être depuis 10 ans, est venu se placer sur les lèvres du gouverneur, et il a paru presque fâché de l'arrivée d'un énorme dogue qui est venu, aussi gravement que son maître, prendre séance au milieu de nous. Plein de confiance dans la force de la place qui lui est confiée, et éprouvant peut-être quelque respect pour le chef d'une expédition aussi importante que la nôtre, Milord Donne nous a engagés à visiter les fortifications. La partie a été remise au lendemain. Avant de quitter le salon, j'ai eu le temps d'examiner les tableaux qui le décorent. Le premier représente un chien basset vu de face, le second un basset vu de profil, le troisième un chien couchant, le quatrième un lévrier. Ces tableaux sont très frais et couverts d'une gaze légère. Dans l'antichambre, on voit le portrait d'une jolie femme qui m'a paru très bien peint, mais qui est mangée des mouches. Crois-tu que Milord Donne soit véritablement anglais ?